Dans la plupart des cas, en espagnol, le A est la marque du féminin pour les adjectifs et le O est la marque du masculin. Tout comme en français, le E est la marque du féminin. On dit un chanteur français, mais une chanteuse française. Alors, comment direz-vous la situation politique ? Situation est un mot féminin. La situation politico. Situation, comme en français, est un mot féminin. C'est la situation. Donc, on ne dira pas la situation politico, mais la situation politica, avec un A à la fin, hein, politica. Parce que, dans la plupart des cas, le A est la marque du féminin. Et la situation économique? La situation economica. Tout à fait, la situation economica. Alors, comment direz-vous la situation politique et économique? La situation politica e economica. Et se dit I. Ah, hein? Oui, oui. Y. I economica. C'est ça, la situation politica y economica.